Est-ce une nouvelle guerre froide qui s'annonce? En tout cas, ça commence à y ressembler. Je veux parler du conflit feutré qui oppose la superpuissance d'aujourd'hui, même si elle a donné récemment d'étonnants signes de faiblesse, c'est-à-dire les États-Unis, et la grande puissance de demain, la Chine. Un conflit feutré, oui, car, pour l'instant, les intérêts économiques l'emportent. La Chine est en effet le troisième partenaire commercial des États-Unis, et si l'excédent commercial chinois n'a cessé de progresser dans des proportions colossales, les industriels états-uniens continuent à lorgner sur l'immense marché chinois. Mais les relations entre les deux pays sont régulièrement traversées par des poussées de fièvre qui exacerbent le nationalisme chinois et la xénophobie des Américains, dont certains n'hésitent pas à agiter le spectre du péril jaune. Certes, la Chine n'est pas encore en mesure de rivaliser avec les États-Unis, ni militairement, ni économiquement, mais sa formidable croissance inquiète, à tel point que de l'autre côté de l'Atlantique, la tentation est grande de considérer que la Chine deviendra, tôt ou tard, une sorte de réincarnation de l'ex-puissance soviétique. Bref, la République populaire apparaît comme étant le seul pays capable de menacer un jour l'hégémonie états-unienne. Et bien sûr, comme dans la précédente guerre froide, il se mêle à cette confrontation latente de nombreuses affaires d'espionnage. Des affaires mystérieuses qui illustrent la méfiance qui existe entre les deux pays. Monsieur X propose son lot de révélations. Une constatation d'abord. Sur le plan militaire, la Chine est encore un nain par rapport aux États-Unis. Non, l'armée chinoise est très nombreuse. Hein. Oui, c'est vrai, mais enfin, elle est encore mal équipée. Et puis, il y a surtout la supériorité écrasante des États-Unis dans le domaine des armes nucléaires. Si par malheur, un conflit éclatait entre les deux pays, Washington serait en mesure de vitrifier les grandes villes chinoises en quelques minutes. Mais est-ce que les Chinois pourraient riposter? Oh, certes. Mais ils ne possèdent pas assez de missiles balistiques pour causer de réels dommages aux États-Unis. Un seul chiffre, le budget nucléaire chinois est 7 ou 8 fois moins important que celui des Américains. Ouais. Mais attendez, ça pourrait changer ça. Oh, bon, enfin, non, pas tout de suite quand même. Pékin n'a nulle envie de se lancer dans une coûteuse course aux armements. Les dirigeants chinois savent très bien que c'est cette compétition qui est à l'origine de l'effondrement de l'URSS. La guerre des étoiles de Reagan. Oui, oui, en poussant les soviétiques à essayer de rester à la hauteur, Washington a ruiné l'URSS. Et Pékin ne commettra pas la même erreur. Les Chinois préfèrent d'abord moderniser leur pays et construire une économie solide. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas aussi à la construction d'un arsenal crédible. Et on en vient à ce sujet qui nous occupe aujourd'hui. L'espionnage. Et en effet, ça permet de faire des économies. Et rappelez-vous, car nous en avons déjà parlé, les soviétiques, pris à la gorge, avaient eux aussi mis au point une gigantesque entreprise de pillage systématique des secrets technologiques occidentaux pour économiser des années de recherche. Mais grâce aux révélations d'une taupe, ce maillage a été mis en échec. Oui, on en a déjà parlé. Alors, vous pensez que les Chinois se livrent aux mêmes manœuvres d'espionnage? Non, c'est évident. C'est un sujet très sensible et qui ne concerne pas que les États-Unis. L'Europe aussi. Bon, bien évidemment. Souvenez-vous de l'histoire récente de cette jeune étudiante chinoise accusée d'avoir transféré sur son ordinateur des secrets industriels. Ouais, chez Valeo. Hein, bon, enfin, bon, l'histoire s'est rapidement dégonflée. Ouais, je suis d'accord avec vous. N'empêche que ça montre que les services de contre-espionnage sont très vigilants sur ce sujet. Autre exemple, beaucoup plus préoccupant. Un centre de recherche a très récemment dénoncé l'existence d'une association de chercheurs et d'étudiants chinois installés en Belgique et qui dissimulerait une vaste entreprise d'espionnage. Oh, on en a peu parlé. Forcément. La plupart de ces affaires se traitent dans la plus grande discrétion. Pour ne pas fâcher ou humilier Pékin, c'est ça? Et pour ne pas se voir fermer le marché chinois. Et puis en plus, un Chinois craint par-dessus tout de perdre la face. Hein. Ouais, enfin, il n'empêche que l'espionnage chinois est une réalité. On en a eu la preuve lorsque des experts militaires occidentaux ont mis la main sur un curieux livre. Ouais, c'est quoi ça? Un véritable manuel d'espionnage écrit par deux spécialistes chinois et à l'usage des apprentis espions. Ça doit exister dans d'autres pays, non? Alors, naturellement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce manuel met l'accent sur le caractère systématique de la collecte des secrets militaires occidentaux. Toujours dans le but de faire des économies en matière de recherche. Et il faut dire que pour réaliser cet objectif, Pékin ne manque pas de cerveau. Nombreux sont en effet les étudiants et les scientifiques chinois présents dans les universités occidentales ou les labos. Des expatriés, quoi. Et autant d'hommes et de femmes susceptibles d'aider leur pays d'origine. Par patriotisme bah, bien entendu. Ouais. Bon, enfin, il faut quand même pas exagérer. Tous les savants chinois installés à l'étranger ne sont pas des espions. Bien sûr. Mais la paranoïa aidant, ils peuvent très vite devenir suspects. Même ceux qui sont, par exemple, devenus des citoyens états-uniens. Et c'est par là que je voudrais commencer. Par l'histoire d'un certain Wen Oli. Qui est-ce, ça ce... Un scientifique, originaire de Taïwan, mais naturalisé américain. Originaire de Taïwan, donc, a priori sans rapport avec la République populaire de Chine. C'est exact. Dans les années 90, Wen Oli travaille dans un laboratoire de recherche à Los Alamos. Ah ben, là où a été conçue la première bombe atomique. Hein. Et naturellement, Wen Oli est un scientifique qui travaille sur la bombe. Mm-hmm. Il fait de la recherche en matière d'armement nucléaire. C'est ça, c'est ça. C'est aussi un très bon informaticien. Vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, à cause de l'interdiction des essais grandeur nature, on simule les explosions nucléaires sur de très puissants ordinateurs. Mais avant de vous raconter ce qui est arrivé à Wen Oli, une parenthèse sur le contexte. Tout au long des années 90, les relations sino-états-uniennes ont connu de nombreux chauds et froids. C'est-à-dire bon, pendant très longtemps, et surtout à partir du début des années 70, la Chine et les États-Unis ont entamé des relations cordiales. Oui, parce qu'ils avaient un ennemi commun, l'URSS. Absolument. Ouais. Et même la sanglante répression de Tiananmen en juin 89 ne parviendra pas à assombrir durablement ces bons rapports. Bush, senior, puis Clinton multiplient les gestes en faveur de la Chine. Et c'est particulièrement vrai en ce qui touche la politique états-unienne vis-à-vis de Taïwan. Enfin, passons. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler plus tard. En fait, l'administration états-unienne mise sur l'essor économique de la Chine pour peu à peu réduire les divergences politiques et stratégiques. Ouais, enfin peut-être, mais la Chine est toujours communiste. Toutefois, les capitalistes y prospèrent, vous en conviendrez, ouais, non ouais. Le premier vrai accroc se produit au milieu des années 90, et il est déjà question d'espionnage. Alors, de quoi s'agit-il là? Au début de la dernière décennie, Hughes Electronic, une société américaine de haute technologie, imagine d'utiliser des fusées chinoises pour lancer ses satellites. Mais je pense que c'est pour des questions de coût. Bien entendu. En Chine, c'est meilleur marché, mais les pièges sont nombreux. Ah, oui, d'accord, mais enfin, quelle sorte de piège Bah, écoutez bien. En 1995, une fusée chinoise chargée de mettre en orbite un satellite de la société états-unienne s'écrase peu après son lancement. Aussitôt, les Chinois font appel aux spécialistes de Hughes afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Jusque-là, rien d'étonnant. Hein. C'est vrai, mais attendez. C'est Hughes. Bon, on n'a pas grand-chose à refuser à un partenaire qui pratique des prix défiant toute concurrence. Et on accepte d'envoyer en Chine d'éminents spécialistes en fusées et missiles balistiques. Mais là où le bât blesse, c'est que Hughes aurait dû préalablement demander l'autorisation du département d'État. Oui, parce que... Ah, il risquait d'y avoir des transferts de technologie. Dans un domaine extrêmement sensible, oui. Mais Hughes ne l'ignorait pas. Oh, c'est évident. C'est pourquoi tout cela s'est déroulé dans le plus grand secret. Toutefois, il y a eu des fuites, et l'affaire a fait scandale. Et entre-temps, les ingénieurs militaires chinois ont pu pénétrer quelques secrets touchant à la conception des missiles balistiques états-uniens. La manœuvre était astucieuse. Hein. Et il n'est pas exclu que les Chinois aient eux-mêmes saboter leur fusée. Enfin, quoi qu'il en soit, la méfiance de Washington, déjà alertée par d'autres affaires plus mineures, a redoublé. Autre accroc sérieux, toujours en 1995. Le Congrès autorise le président taïwanais à effectuer une visite privée aux États-Unis. Pour Pékin, qui n'a jamais cessé de revendiquer le retour de Taïwan à la mère patrie, c'est une provocation. Et la riposte ne tarde pas. En mars 1996, la Chine procède à des tirs de missiles à proximité de Taïwan. Des missiles qui devaient peut-être beaucoup aux spécialistes de la Hughes, là. Hein? C'est possible, mais ce n'est qu'un début. Un peu plus tard, la CIA obtient des informations inquiétantes. Non seulement la Chine aurait maîtrisé la technologie de la bombe à neutrons... Attends, la bombe, ça, c'est la bombe qui tue, mais épargne les bâtiments. C'est ça. Ça, ouais. Mais elle aurait aussi percé les secrets d'une tête nucléaire miniaturisée mise au point par les États-Unis et connue sous le nom de code W88. Attendez, comment la CIA, la CIA, a-t-elle été mise au courant? par un agent double chinois qui, de toute évidence, occupe un poste important dans la hiérarchie militaire chinoise. Et qui, plus précisément, là ? Son identité n'a jamais été révélée. Mais j'y reviendrai, car ce personnage est au cœur de toute l'histoire. Ah oui, c'est encore des mystères, là. Oh, un peu de patience, monsieur Penaud. Tout ça signifie qu'il y a des taupes chinoises aux États-Unis. Car tous les spécialistes sont d'accord. Les Chinois n'étaient pas en mesure de concevoir par eux-mêmes ces deux armes. Et pourtant, à la grande surprise des Américains, la Chine annonce en 1996 son intention de signer le traité d'interdiction des essais nucléaires. Et pourquoi c'est une surprise, ça ? Parce qu'une puissance nucléaire ne signe ce traité qu'après en avoir fini avec ses essais. Or, les Chinois ont procédé seulement à quelques expérimentations. Ça signifie qu'ils ont profité de tuyaux venus d'ailleurs, hein. C'est bien ce que vous voulez dire. Exactement. Et c'est une nouvelle confirmation qu'il y a eu des fuites. Et à Washington, c'est la panique. D'autant que cette affaire d'espionnage est prolongée par une manipulation politique au moins aussi inquiétante. L'espionnage chinois est devenu, dans les années 90 aux États-Unis, une question de la plus haute importance. D'autant que les méthodes employées par Pékin différaient du tout au tout de celles autrefois employées par l'ex-KGB. Ainsi, voici ce qu'on lit dans le journal Le Monde en mai 1999. Dans un contexte où la Chine apparaît de plus en plus aux yeux des Américains comme un pays à risque, l'espionnage chinois devient un problème récurrent. Même si les transferts de technologies ont jusqu'ici été pour la plupart ouverts par le biais de coopérations commerciales ou de ventes de matériel ultra sophistiqué. Dans le New York Times, l'ancien responsable chargé de ce dossier au FBI explique que les méthodes d'enquête traditionnelles sont inopérantes face aux subtilités de l'espionnage chinois. Les espions n'étant généralement pas payés, il ne sert à rien de vérifier leur compte en banque. Comme Pékin préfère obtenir des informations miette par miette, on ne risque guère de surprendre un agent déposant un dossier secret sous une pierre ou dans un parc. Il s'agit, pour les maîtres du renseignement de l'ex-empire du milieu, non pas de contraindre leurs sources à faire de l'espionnage, le mot fait peur, mais de les inciter à commettre des indiscrétions bien orientées par sympathie pour la Chine, en flattant leur vanité ou en les piégeant. Bref, FBI et CIA vont devoir revoir leur stratégie. Les techniques de Pékin ne sont pas celles du KGB. Vous entendez, mais il me semble que nous avons un peu oublié Wanoli. Non, rassurez-vous, nous allons le retrouver bientôt. Vous imaginez bien qu'après avoir recueilli ces informations catastrophiques, les services secrets des États-Unis sont sur les dents. Et en 1996, un scientifique taïwanais naturalisé... Tout comme Wanoli, alors. Oui, donc cet homme, un certain Peter Lee, un spécialiste en laser pour les simulations d'explosions nucléaires, est arrêté. Mais c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Ce type plaide coupable. Il reconnaît donc être une taupe. En effet. Et ça ne lui vaut qu'une assignation à résidence d'une année. C'est rien, ça. Et ça permet de penser que si ce type était vraiment l'espion qui avait donné aux Chinois d'aussi considérables secrets, il aurait été lourdement condamné. À moins que l'administration états-unienne n'ait voulu étouffer l'affaire. Enfin, vous m'avez aussi parlé d'une manipulation politique. Oui, une affaire très embarrassante pour le président Clinton. Et c'est beaucoup plus important que ces fraudaines avec Monica. En 1998, la presse, aussitôt relayée par les élus républicains, révèle que des Chinois auraient participé au financement de la campagne présidentielle de Clinton en 1996. Et pas n'importe quel Chinois, hein. L'un d'eux serait un général chargé de superviser le programme des missiles chinois. Et l'autre, sa fille, est lieutenant-colonel et dirigeante d'une entreprise aérospatiale. Allez, alors immédiatement, on fait un rapport entre ce financement électoral et les fuites. Il ne peut en aller autrement. Et des sénateurs républicains n'hésitent pas à accuser Clinton d'avoir vendu des secrets militaires aux Chinois. Bon, est-ce qu'il y a un début de vérité là-dessus ? Là-dessous, pardon. Il est vrai que très peu de temps après sa réélection, le président a assoupli les conditions d'exportation vers la Chine de matériel aérospatial. Mais je suis persuadé que ça n'avait rien à voir avec le financement de la campagne de Clinton. Un financement dérisoire d'ailleurs, quelques milliers de dollars. Alors qu'aux États-Unis, une campagne électorale coûte des dizaines de millions de dollars. Une goutte d'eau dans la mer donc. Et je ne suis même pas sûr que Clinton en personne ait été au courant de cette contribution chinoise à sa campagne. Il faut tout de même la trouver une explication. Hein. Ben, je suis à peu près sûr qu'il y a eu une tentative de pénétration des services chinois dans l'appareil démocrate. Mais une tentative qui a avorté. Ce n'est pas avec quelques milliers de dollars qu'on s'empare des secrets technologiques les mieux gardés des États-Unis. Mais je suis désolé pour une fois. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, pardonnez-moi d'avoir été aussi long et revenons à l'histoire de Wen Holly. Les services secrets états-uniens, CIA et FBI, continuent à chercher la taupe. Et ils cherchent, en priorité parmi les personnels scientifiques d'origine chinoise. C'est une sorte de discrimination ethnique, ça, hein ? Ah, vous avez raison de souligner ce point très important. On y reviendra, mais poursuivons. Le nom de Wen Ho Li apparaît assez vite sur les listings du FBI. Et dès 1997, les policiers fédéraux demandent l'autorisation de le mettre sur écoute. La ministre de la Justice de Clinton refuse. Le dossier est inconsistant. Toutefois, le FBI ne renonce pas et continue à surveiller Wen Ho Li. Mais t'es, pourquoi lui particulièrement ? Les enquêteurs ont découvert qu'il s'était rendu à deux reprises en Chine pour une mission scientifique. Donc une mission donc avec l'aval de son labo. Et accompagné par un collègue blanc qui, lui, notez-le bien, ne sera jamais inquiété. Autre élément en sa défaveur. Soumis au détecteur de mensonges lors d'une audition, il n'aurait pas donné satisfaction. Ouais, mais enfin, cet appareil en vogue aux États-Unis, hein, n'est pas très fiable. Ouais, enfin, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, le FBI est sûr de tenir sa taupe, met la pression sur le savant et s'arrange pour faire publier dans le New York Times un article retentissant sur l'espionnage chinois au laboratoire de Los Alamos. Certes, le nom de Wen Ho Li ne figure pas dans l'article, mais on laisse clairement entendre qu'un suspect a été identifié et que sa culpabilité saute aux yeux. Dès le lendemain de la publication de ce scoop, Wen Ho Li, accusé d'avoir enfreint les règles de sécurité, est licencié. Mais il n'est pas arrêté pour... Non, pas encore. Toutefois, on parle d'une nouvelle affaire Rosenberg. La seule différence, c'est que le suspect, là, n'est pas juif, mais d'origine asiatique. Ce que soulignent certains journaux, et l'affaire relance aussitôt les accusations des républicains contre Clinton. Avec toujours le financement de sa campagne électorale. Et on soupçonne aussi la Maison-Blanche de tout faire pour étouffer cette affaire d'espionnage. Au même moment, un sénateur républicain publie un rapport de 900 pages sur la manière dont les Chinois s'emparent des secrets militaires et commerciaux états-uniens. Et ce pavé tombe à point pour le FBI qui poursuit son enquête et trouve enfin une preuve contre Wen Ho Li. Quoi ? Quel genre de preuve ? En analysant le disque dur de son ordinateur, les policiers fédéraux découvrent que le scientifique a transféré sur sa machine des dizaines de milliers de pages de données sensibles sur la conception des armes nucléaires. Plus grave encore, il aurait copié ces informations sur des disquettes, mais 7 d'entre elles ont disparu. Tout ça, c'est troublant. Oui, oui. Et Wen Ho Li reconnaît sans difficulté qu'il a commis une faute. Ces données n'auraient jamais dû sortir de son laboratoire. Mais est-ce qu'il a une explication ? Oui. Il en avait besoin pour son CV, car il avait l'intention de quitter Los Alamos et de travailler à l'étranger. Oui, je trouve pas ça très convaincant. Hein. Sans doute. À partir de ce moment, Wen Ho Li est véritablement harcelé par l'FBI qui considère qu'il est la taupe chinoise qui a livré à Pékin le secret de la tête nucléaire W88. Et finalement, à la fin de l'année 1999, il est arrêté et emprisonné. Une incarcération très dure. Wen Ho Li, fer au pied, est à l'isolement. Une situation qui émeut la communauté scientifique et les associations d'Américains d'origine asiatique. On organise même des campagnes pour financer la défense du savant. Mmh. Quel résultat ? Bien, des centaines de milliers de dollars sont récoltés. Mais ce qui est plus important, c'est que grâce à cette mobilisation, le dossier de l'accusation se délite peu à peu. Avant même l'arrestation de Wen Ho Li dans ce même journal qui a fait de lui un suspect... Au New York Times, c'est ça. Oui, oui. Un journaliste scientifique démonte page après page le rapport alarmiste du sénateur républicain sur l'espionnage chinois et il écrit que la FBI est allée un petit peu vite en besogne en accusant Wen Ho Li. Mm-hmm. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des réactions du côté de la Chine populaire. Naturellement. Pékin nie avec force toute manœuvre d'espionnage. Le contraire eût été étonnant. C'est juste, mais enfin, ça arrive à un moment où les rapports entre les États-Unis et la Chine sont très tendus. En mai 1999, souvenez-vous, l'ambassade chinoise à Belgrade est bombardée par l'aviation états-unienne. Oui, ça c'est au cours de la guerre du Kosovo. Hein. Et il y a 3 morts. Mm-hmm. Oh, dommage collatéral. Bon, enfin, c'est ce que plaident les Américains, mais la Chine, elle, accuse les États-Unis d'avoir sciemment bombardé son ambassade. Mais pourquoi alors? Ben, la Chine n'avait jamais caché son hostilité à l'action. L'agression, selon Pékin, de l'OTAN dans l'ex-Yougoslavie. Elle avait même accusé les États-Unis de mener une politique hégémonique en violation de la charte des Nations Unies. Aussi, on ne peut pas exclure que certains chefs militaires états-uniens aient voulu ainsi donner une leçon aux Chinois. Quoi qu'il en soit, cet épisode donne lieu à un nouvel accès de fièvre nationaliste à Pékin. Ah oui, je me souviens, on brûle le drapeau américain, les drapeaux américains sur la place Tiananmen. Hein. Et tout ça est orchestré, bien sûr, par le pouvoir. En réalité, c'est un prétexte. La vraie question demeure celle de Taïwan. D'autant qu'à Washington, on envisage très sérieusement de doter l'île d'un système de missiles antimissiles. Ah, c'est un système qui le mettrait à l'abri des armes chinoises. Hein. Et ça passe très mal à Pékin. Alors, l'incarcération de Wen Houli, les accusations d'espionnage ajoutent à ce climat tendu. Mais sans vouloir dévoiler la suite de mon récit, je peux vous dire qu'il s'agissait d'un rideau de fumée. Et la meilleure preuve, c'est que l'affaire Wen Houli va bientôt se terminer par un véritable coup de théâtre. Dans la revue L'Histoire de juin 2001, Jean-Luc Domenac analyse très finement les relations amour-haine entre la Chine et les États-Unis et l'émergence d'une nouvelle guerre froide, alors même que la Chine, dans les années 80, rêvait de devenir une nouvelle Amérique. C'est ce rêve qui a été déçu quand les Chinois se sont aperçus que l'Amérique restait l'Amérique, une superpuissance qui leur paraissait égoïste et grossière, avant tout préoccupée de conserver ses revenus et sa sécurité, et déterminée à maintenir la Chine dans le rang. Le pire est que cette déception réciproque n'a guère été tempérée par la connaissance mutuelle. Les Américains ont les meilleurs sinologues du monde, mais leurs politiciens n'en sont pas les mieux informés pour autant, ni les plus attentifs, et les minorités chinoises s'assimilent très vite. Quant aux Chinois, ils sont souvent plus prompts à juger qu'à comprendre. Leurs progrès économiques leur ont insufflé un regain de confiance qui exalte leur nationalisme et les aveugle. Ils n'imaginent plus tenir d'autre place que la première. Le monde va donc devoir s'habituer à une nouvelle querelle Est-Ouest, bien différente de la précédente. Pour le présent, la rivalité sino-américaine est certes moins dangereuse que la guerre froide américano-soviétique, du fait du déséquilibre des forces en présence et de l'ampleur des liens commerciaux, mais sa composante passionnelle pourrait bien rendre son contrôle plus délicat et ses développements moins prévisibles. Quel est ce coup de théâtre alors qui va intervenir dans l'affaire Wen Houli? Le savant est libéré en septembre 2000, après avoir été incarcéré pendant 7 mois quand même, dans des conditions excessivement rigoureuses. Et tenez-vous bien, le juge qui le libère lui présente des excuses. Il est complètement blanchi, là. Les 59 chefs d'inculpation retenus contre lui, chefs d'inculpation qui auraient pu lui valoir la prison à perpétuité, sont abandonnés. Il lui est simplement reproché ce transfert de données sur son ordinateur et pour cette faute, il est condamné à 7 mois de prison. Ah oui, donc ça couvre exactement le temps de sa détention. Il fallait bien ne pas perdre la face, comme disent justement les Chinois. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Hein. Au fur et à mesure de son investigation, le magistrat s'est aperçu qu'il avait été induit en erreur par le FBI et le procureur. Il a en particulier découvert que les données sensibles transférées par Wen Houli étaient en fait accessibles sur de nombreux sites scientifiques. Plus grave encore, il a convaincu les enquêteurs du FBI d'avoir fait de faux témoignages. Quant aux médias, ils ont immédiatement retourné leur veste et pris le parti du savant. Alors même qu'il l'avait d'abord accablé. Hein. Et le New York Times, le premier journal qui avait sorti l'affaire, sera même contraint de faire son autocritique. Mm-hmm. Alors, pour vous, la conclusion provisoire? Au FBI et à la CIA, où l'on croit toujours à l'existence d'une taupe chinoise, c'est un grave échec et qui compromet les investigations ultérieures. Mais la conséquence la plus immédiate de cette affaire, c'est que désormais, les scientifiques étrangers qui travaillent aux États-Unis dans des secteurs dits sensibles ne se sentent plus du tout en sécurité. Ah oui, mais ils savent que s'ils ont le malheur de nourrir des suspicions d'espionnage, ils peuvent se retrouver en prison, les fers aux pieds comme Wen Houli. Hein. Or, il faut savoir que parmi ces chercheurs, il y a une bonne moitié d'étrangers, dont une majorité d'asiatiques. ce qui a conduit nombre d'entre eux, d'ailleurs, à démissionner de leur labo, et même pour certains à quitter les États-Unis. Ouais, donc perte de cerveau. Hein. Incontestablement. Mais les États-Unis n'en avaient pas encore fini pour autant avec l'espionnage chinois. Et une nouvelle affaire va éclater. Affaire qui est de mon point de vue, en relation directe avec la malheureuse mésaventure de Wen Holly. Auparavant, il me faut aussi vous rappeler un incident qui a une fois de plus créé une tension entre la Chine et les États-Unis. Ah, je vois. L'affaire de l'avion espion américain, c'est ça, en 2001. C'est ça, ah, oui. Ouais. Le heurt au-dessus de la mer de Chine entre un chasseur de Pékin et un avion espion. Ouais, un choc qui ne doit rien au hasard. Évidemment. Ça ressortait de part et d'autre de la provocation. En tout cas, l'avion espion ayant été contraint de se poser en territoire chinois, ça a permis aux autorités de Pékin de se faire une idée très très précise des équipements électroniques dernier cri de l'aviation états-unienne. Puis il y a eu aussi en 2002 la découverte dans un Boeing flambant neuf destiné au président chinois de 27 dispositifs d'écoute. Oui, 27. Mais des micros posés par les Américains. Et bien sûr. L'un était même dissimulé dans le matelas présidentiel. Mais cette affaire embarrassante nous ramène donc directement à notre histoire. Je vous explique. Si les services de contre-espionnage chinois ont pu neutraliser les systèmes d'écoute installés dans l'avion de leur président, c'est qu'ils disposaient de très très bonnes informations. Ah, c'est encore une taupe, là. Ouais, une belle taupe, si je puis dire. Elle s'appelle Katrina Leung. C'est une très jolie Californienne d'origine chinoise. Fille d'un communiste tué pendant la révolution culturelle, elle a grandi à Hong Kong, puis a poursuivi de brillantes études aux États-Unis. Et elle s'est ensuite lancée avec succès dans les affaires. Une success woman. C'est ça, oui. Ouais. Elle se marie à un ressortissant chinois, et bientôt, cette jeune femme, très séduisante, rencontre un homme marié de 10 ans, son aîné, un nommé Smith, James Smith. C'est sa véritable identité. Ah, tout à fait. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que ce Smith est un agent du FBI. Un agent important puisqu'il finira sa carrière en tant que chef du bureau de Los Angeles. Smith, spécialiste de l'Extrême-Orient, demande à sa maîtresse des informations sur la communauté chinoise de la côte ouest. Et Katrina ne le fait pas seulement par amour, elle est rétribuée, très très bien rétribuée. D'autant qu'elle étend ses activités d'espionne. C'est-à-dire Grâce à ses relations d'affaires, elle entre en relation avec des diplomates chinois. C'est même elle qui organisera en 1999 la visite du premier ministre chinois en Californie. Qui lui permet de glaner des informations très intéressantes sur la politique de Pékin. Mmh. Informations qu'elle livre aussitôt à son amant. Et ça lui est d'autant plus facile qu'elle se rend très souvent en Chine. Mais cette séductrice n'en reste pas là. Elle prend un deuxième amant, un certain William Cleveland. Et lui aussi est un agent du FBI, responsable du contre-espionnage à San Francisco. Elle s'est spécialisée en ça. Ah, et le comble, c'est que Katrina se débrouille pour que son mari et ses amants s'ignorent les uns les autres. Ah, c'est ce qu'on appelle le cloisonnement. Hein. Katrina est en effet très habile. Par ailleurs, c'est une femme très en vue qui fréquente les cercles républicains. Chef d'entreprise prospère, elle donne un coup de main dès qu'il s'agit de financer les campagnes électorales du parti. Mais d'un seul coup, toute cette belle construction va s'écrouler comme un château de cartes. Sans doute à cause de cette affaire du Boeing présidentiel chinois. Parce que les services états-uniens sont étonnés que leur micro ait été aussi rapidement découvert. Et en enquêtant, ils sont mis sur la piste de la belle Katrina. En 2003, ils profitent d'un de ses voyages en Chine pour s'introduire dans sa maison. Et ils y découvrent la preuve. Katrina est en possession de documents secrets auxquels elle n'aurait jamais dû avoir accès. Des documents qu'elle aurait dérobés dans la serviette de ses amants, du FBI et microfilmés. Non mais ça, c'est une autre version de confidence sur l'oreiller. Hein. Oui, à l'occasion, ces enquêteurs découvrent aussi que la belle possède des comptes bancaires bien fournis un peu partout dans le monde. En avril 2003, à son retour de Chine, Katrina est arrêtée et officiellement accusée d'avoir livré des secrets d'État à une puissance étrangère. En réalité, les limiers du FBI établissent que Katrina Leung est un agent double qui travaille pour les services de Pékin. À plusieurs reprises, elle a permis aux Chinois de faire parvenir aux États-Unis de fausses informations. Grâce à ses amants du FBI. Bien entendu. Mmh. En retour, elle a fourni à ses employeurs de précieux renseignements. Mais vous vous en doutez bien, l'affaire est très délicate. Ah oui, à cause de l'application d'agents importants du FBI, c'est ça. Hein. Et oui, c'est pourquoi. Malgré la gravité des accusations qui pèsent contre elle, Katrina est rapidement libérée contre le versement d'une énorme caution. Et bien que Smith, son premier amant du FBI, ait choisi de plaider coupable et de collaborer avec la justice... Ouais, pour éviter d'aller en prison, j'imagine. Et pour éviter d'être condamné pour ce qu'on appelle là-bas des relations sexuelles inopportunes avec un agent étranger. Mais, c'est bien dit. Mais aussi pour avoir transporté dans sa serviette des documents secrets. Donc, en dépit de ce lâchage, au début de 2005... Katrina est relaxée, faute de preuve. Ouais, ça ressemble à un étouffement. C'est certain. Ouais, mais cette sensationnelle affaire d'espionnage, très vite oubliée, permet de mieux comprendre ce qui est arrivé, par exemple, à Wen Oli. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Le scientifique d'origine taïwanaise a été trahi par un agent double. Ce même agent qui a averti le contre-espionnage états-unien que Pékin avait percé les secrets de la tête nucléaire W88. Ah, je vois là. Alors, pour vous, cet agent double serait la belle Katrina Leung? Je le pense, oui. En tout cas, elle a joué un rôle dans l'affaire. Mais je ne comprends pas. Hein. Quand même, en aidant à trahir Wen Oli, là, elle aurait donc travaillé contre les intérêts de Pékin? Eh bien, non. Il faut m'expliquer, là. Hein. Volontiers. Il s'agit, en fait, d'une manœuvre très subtile. À Pékin, la fuite des cerveaux inquiétait. Beaucoup trop de jeunes scientifiques partaient étudier aux États-Unis, mais préféraient rester là-bas à l'issue de leur parcours. Autant de diplômés qui faisaient ensuite défaut à la République populaire. Le ministre de la Sécurité a donc imaginé un subterfuge pour les inciter à regagner leur patrie. La dénonciation de Wen Oli. Une dénonciation qui visait à persuader les scientifiques chinois en poste aux États-Unis qu'ils étaient tous suspects en raison de leur origine ethnique et qui risquaient donc d'être jetés en prison en tant qu'espions. Et il faut bien dire que la façon dont Wen Oli a été traité est allée bien au-delà des espérances des organes de sécurité chinois. Et je vous l'ai dit, on a observé ensuite le retour au pays d'un certain nombre de scientifiques chinois. Alors, du point de vue de Pékin, mission réussie. D'autant plus que les républicains états-uniens ont relayé l'opération en appelant à une véritable chasse aux sorcières dans les milieux scientifiques d'origine chinoise. Que faut-il en penser? À ma connaissance, seule la revue La Recherche a évoqué une telle hypothèse en publiant, en 1999, un article sous le titre suivant: les affaires d'espionnage qui n'en finissent pas d'agiter les laboratoires nucléaires américains ne seraient-elles qu'un leurre fabriqué par la Chine? Et l'auteur de l'article écrit: l'hypothèse d'une manipulation chinoise n'est pas totalement farfelue. Elle émane de Houston Hawkins, un très sérieux expert du renseignement au laboratoire de Los Alamos. Los Alamos où, remarquons-le, travaillait justement Wen Oli.